chanteur petit à petit. Parole de l'heure et lui quoi. Yaya Touka Touka Tia, Lubaka Lubongé. Yaya Touka Touka Tia, Lubaka Lubongé. Petit aussi à Mila qui tassa. Tout est mignon aïe. Petit aussi à Mila qui tassa. Lubingi Meya aïe. Oka, Oka. Kilumbu qui m'a aussi si ka foi. Beyak se bobli, ilumbu ki mosi si ka foye. Marite babonge, jambe tutu si amila ki tasa. Lady Gare, ape tutu si amila ki tasa. Jeff J. Bana.